50 languages. 89. 89. صيغة الأمر. 1. Impératif 1. Impératif 1. أنت كسول بشكل. لا تكن كسولا للغاية. Tu es paresseux. Ne sois pas si paresseux. Tu es trop paresseux. Ne sois pas si paresseux. أنت تنام طويلا. لا تنم طويلا. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. Tu dors trop longtemps. Ne dors pas si longtemps. إنك تأتي في وقت متأخر. لا تتأخر بهذا الشكل. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. Tu viens trop tard. Ne viens pas si tard. إنك تضحك بصوت عال. لا تضحك كذلك. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. Tu ris trop fort. Ne ris pas si fort. إنك تتكلم بصوت منخفض. لا تتكلم هكذا. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. Tu parles trop doucement. Ne parle pas si doucement. إنك تشرب كثيرا. لا تشرب بهذا القدر. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. Tu bois trop. Ne bois donc pas autant. إنك تدخن كثيرا. لا تدخن كثيرا. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. Tu fumes trop. Ne fume donc pas autant. إنك تعمل كثيرا. لا تعمل كثيرا. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. Tu travailles trop. Ne travaille donc pas autant. إنك تسرع كثيرا. خفف السرعة. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. Tu conduis trop vite. Ne conduis donc pas si vite. انهض يا سيد مولر. Levez-vous, monsieur Muller. Levez-vous, monsieur Muller. اجلس يا سيد مولر. Asseyez-vous, monsieur Muller. Asseyez-vous, monsieur Muller. ابقى في مقعدك سيد مولر. Restez assis, monsieur Muller. Restez assis, monsieur Muller. كن صبورا. تحلى بالصبر. Ayez de la patience. Ayez de la patience. خذ وقتك. لا تتسرع. Prenez votre temps. Prenez votre temps. انتظر لحظة. انتظر قليلا. Attendez un moment. Attendez un moment. كن حذرا. Soyez prudent. Soyez prudent. كن دقيقا في المواعيد. Soyez à l'heure. Soyez à l'heure. لا تكن غبيا. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête.